Je décris le portrait de très près, la ville forte, pleine de MC en chaîne. Là-haut le mont Everest, capitale de l'Est, terrain miné, barbelé, et sa vallée, son usine de prototypes futuristiques, usines, terre promise. Notre bouche, bien entamée, matelée bétamée, des assimilés trop cramés, damés, se sont rétamés. La Yuzi, Uzi, les fusils, Uzi, Uzi, la Pléiade, des players, va plaire, plie ton Uzi. La légende s'élève, raconte que le grain de la connaissance a donné naissance dans l'Est. Un édifice, la quintessence de la quête des six, cinq piliers, aussi hauts que la tour de Pise. Brouhaha, tous oui, c'est Mimi, c'est Mascao. Louis en participant, il dit bye bye, c'est un bon ciao. Guantanamo, l'idem, c'est pour la bombe de plagiat. Moi je ne subis pas d'auditif pugilat. Exode, je me téléponte. Mec c'est le misole, mon code baisse qui la moche délit. Mon être et cette camisole. En solo psychologique trip de la scène si je me délègue, délègue. J'utilise mon intellect, délègue, détecte les vibes qui reflètent mon ego d'ermite. Hip hop adepte, je suis ma quête, je médite. Conscient, j'hérite de ce que je mérite. Donc rien à battre de l'élite limite. Et leur satané satellite se suit. Je cogite, adopte un autre concept. Ma charge est sans limite. L'espoir fou, le sable qui les dissipe dans ses déjeuners. Refuse de se greffer au reflet. Le flux du flot de mes reflets. Des faits, des faux, bluffés seul. L'original émerge des noyés sans grand berger. Un bétail de bêta où l'albinos et le berger. L'orgie dans les pâturages d'orge non dérangé. Gorge d'étrangers, dangereux et forgés. Pour mettre hors jeu les pires jambards sur la berge. Les moutons de panurge qui ne sortent pas de l'auberge. La faiblesse des clowns clonés, bornés. Fait la force désormais, légir sa mort au loin le temps se force. Qu'une averse est versée dans divers pluies de jalousie qui lutte contre mes versets. Sévère, évolution, versée, terre promise, versée par les langues de vipères qu'il faut percer. Des perdus perdent le paradis, mais persévère. Des personnes perdues parlent pour un radis pendant que leur père s'avère heureux de pouvoir tenir des propos ciblés et aperçus. La terre promise est proche de ce pic, elle est bien perçue. Super, perd son sang-froid, su pour mentir. Gaz du sud sur mon dos, je salis mais je mentis. L'espoir fou, l'échappe, guide les disciples dans et déjà. Les prêcheurs s'engagent dans un la quête des valeurs perdues, les sabliers. Pour accéder en terre promise, faudra l'espoir fou, le sable guide les disciples dans et déjà. Les prêcheurs s'engagent dans un long périple. La quête des valeurs perdues, les sabliers. Pour accéder en terre promise, faudra s'épier. De tous les on est ronces, que de surmonce d'âme, de démence en somme sans école. À l'intolé, on est condolé. À ceux qu'on et leurs séquences, des envois colleront les esprits afin qu'ils colleront. Baptême prolifère en torrent, frère fort, on existe encore, qu'on exige en pleurs. Le respect en la foi, nos efforts, ainsi pesé au kilo, dosé au stylo, aurait son foi, plus d'un pas dans quoi, plus de clac-clac et leur clapet. Les rangs dociles, sur hostiles, en pensant à ce que la bonne parole. La montagne, le grand obstacle, digne des grands, signe de fatigue pour arriver en terre promise. Le fruit de la réussite, signe de prestige, dans les vertiges du haut du pic, ainsi les initiés du temple, avant d'une ampleur. S'engage dans un long périple. La quête des valeurs perdues. Les cinq piliers pour accéder en terre promise. Faudra s'épier. L'espoir fou, le sable guide les disciples d'ores et déjà. Les prêcheurs s'engagent dans un long périple. La quête des valeurs perdues. Les cinq piliers pour accéder en terre promise. Faudra s'épier. L'espoir fou, le sable guide les disciples d'ores et déjà. Les prêcheurs s'engagent dans un long périple. La quête des valeurs perdues. Les cinq piliers pour accéder en terre promise. Faudra s'épier.